Mesdames et messieurs, l'organisation vous remercie. Papa Wemba, la nouvelle écriture, les Fioti Fioti, nous remercions tous les amis. Merci à l'équipe technique, merci aux artistes et musiciens. Papa Wemba Mze, Fulangenge, Elombe, merci beaucoup. Sekbidens, à la direction artistique, merci beaucoup. Bianco Lukusa, Petit Mekosto, merci beaucoup et merci à tous les amis. Vraiment, bonne fin de soirée. Mais, Papa Wemba, je vais revenir à la terre. Moi, je suis des athées. Alors nous remercions du fond du cœur Titi Nzoso. Rendre hommage à la presse congolaise de Paris qui fait la promotion de la musique ébène et autres. Merci. Titi Nzoso filme avantage. Merci beaucoup, merci, merci cher ami. Merci mon frère. Vraiment c'est lui qui a habillé tout le monde quoi. Titi Nzoso. Y compris le présentateur. Merci. Atis Photo, merci. Alors je tiens à vous informer. Alors on a commis na site internet Nangaï. www.papawemba.net. Ah ouais. Bah et bazana ba internet et pas na bango. Ce qui bobeti www. Papa Wemba en un seul mot, point net. Bogomona, Makambunangaï, Nyos, Tuezana Katiwana. Merci. Je tenais à ce qu'on remercie la télévision congolaise à travers Zakari Bababatsoué. Zakari Bababatsoué! Et tous les autres, les photographes. Merci. Mouyi Bouaboué pour la télévision Raga. On est parti.